بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Dieu. Il est le puissant, le sage. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم Ô vous qui croyez, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une chose très haïssable aux yeux de Dieu que de dire ce que vous ne faites pas. Dieu aime ceux qui combattent sur son chemin, en rang, pareil à une construction compacte. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Et quand Moïse dit à son peuple, ô mon peuple, pourquoi me persécutez-vous alors que vous savez parfaitement que je suis pour vous un messager de Dieu? Puis quand ils s'égarèrent du droit chemin, Dieu fit dévier leur cœur, car Dieu ne guide point les pervers. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدٍ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Et quand Jésus, fils de Marie, dit « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager de Dieu qui vous est envoyé pour confirmer ce qui a été révélé avant ma venue dans la Torah et pour vous annoncer la bonne nouvelle d'un messager » qui viendra après moi, et dont le nom sera Ahmed. Puis, quand ce dernier vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent, c'est tout simplement de la magie. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Et qui est pire injuste que celui qui invente un mensonge au sujet de Dieu quand on l'invite à l'islam? Dieu ne guide point les injustes. Ils voudraient éteindre la lumière de Dieu du seul souffle de leur bouche. Mais Dieu parachèvera sa lumière, peu importe à quel point les négateurs y sont hostiles. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidance et la religion de vérité, afin de la faire prévaloir sur toutes les autres religions, en dépit de l'aversion qu'en éprouvent les polythéistes. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين Oh, vous qui croyez, vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un douloureux châtiment ? Croyez en Dieu et en son messager, et faites effort de vos biens et vos personnes sur le chemin de Dieu. Cela est bien meilleur pour vous. Si seulement vous saviez, Dieu vous pardonnera vos péchés et vous fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux et dans d'agréables demeures, dans les jardins d'Éden, voilà le triomphe suprême. Et il vous accordera une autre faveur qui vous tient à cœur, un secours de sa part et une victoire prochaine. Et annonce la bonne nouvelle aux croyants. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة Ô vous qui croyez, soyez les alliés de Dieu, comme Jésus, fils de Marie, avait demandé aux apôtres. Qui sont mes alliés vers Dieu ? Ils avaient répondu, nous sommes les alliés de Dieu. Une partie des enfants d'Israël crut à son message. Tandis que l'autre rejeta la foi, nous aidâmes donc ceux qui croyaient contre leurs ennemis, et ils triomphèrent.